Chacun de nous dans sa présence et à sa faveur, son service et pour sa gloire. Prions. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous te remercions abondamment pour cette occasion merveilleuse que tu accordes à nos pauvres âmes, sauvées par ta grâce, de nous rassembler au nom de Jésus-Christ pour faire ce qui est juste, pour écouter ce qui est juste, pour marcher dans la voie droite et pour bien finir notre voyage, notre marche sur la terre. Bien finir avec Dieu. Conduis nos pas. Jour après jour, heure après heure, chaque fois que nous déraillons, ramène-nous sur la bonne voie. Ramène nos lèvres, Seigneur. Ramène nos actes. Ramène tout au droit chemin. À la pratique du bien, Seigneur. Nous avons grandement besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Inverse ton amour dans nos cœurs. Forme cet amour abondamment. Qu'il soit plus fort que le monde. Il nous rend plus que vainqueurs. Reste avec l'église. Exauce nos prières. Aujourd'hui et demain. Chaque jour aussi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions ici. Amen. Amen. Nous allons lire la sainte parole de Dieu. Dans la Bible. Jérémie chapitre 10. Ilimia kapazomi. Nous prenons le verset 23. Jérémie 10, verset 23. Il est écrit, je le sais au Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Et Yahweh na yebi ete nzela na moto ejali kati na ye mokote. Ekoki na motambolite ete atambolisa makolo na ye ye moko. J'aimerais lire directement le même verset mais dans la traduction de l'Osterwald. Nakotanga bobele molongo moko kati na ndimbola ya Osterwald. Verset 23. Ilimia zomi mokamba molongo mokumi bale. S'ajouter qui est important. Ezali na liloba moko bakisa mezali na moto ya mingi. Éternel, je connais que la voix de l'homme ne dépend pas de lui. Na biete nzela na moto ezali kotali la ye moko te. Et qu'elle n'est pas au pouvoir de l'homme qui marche de bien diriger ses pas. Bien diriger. Pas seulement diriger les pas, mais bien diriger ses pas. Diriger ses pas vers le bien. Mais diriger ses pas que pour le bien. Ce n'est pas au pouvoir de l'homme. Mais c'est Dieu qui doit détenir ses pouvoirs. Et qui doit les manifester en chacun de nous. Pour que chaque fois nos pas soient dirigés vers le bien. Que nos pas soient bien dirigés. Pas mal dirigés, mais bien dirigés. Oh. Dans 1 Pierre chapitre 3. L'écriture dit ceci. Verset 10 à 12. Non, juste verset 13, disons. Verset 10 à 13. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Amen. Et ses lèvres des paroles trompeuses. Amen. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Amen. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Amen. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Amen. Et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Amen. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Pwete ye oyo ajali na mposa na kosepela na bomoi pe komona mikolo malamu sika ete apekisa lolemo na ye na makambo mabe pe bibebo na ye na maloba na kojimbisa apengwa longwa na mabe pe asala malamu aluka kimya pe abengana yango pwete miso na nkolo majali epai na bayenge bene pe matoi na ye epai na malombo na bango. ndelongi na nkolo etelemeli bango bakosalaka mabe nani akosalela bino mabe soko bojali na mposa makasi na malamu. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à cette méditation du jour d'adoration. Bon, qui ne sera pas dans la ligne de notre thème ici. Une petite parenthèse juste pour ce soir. Et nous allons nous exhorter les uns les autres au sujet d'un slogan de vie. Un slogan de vie. Quel est ce slogan? Qui nous l'a appris? Quoi ce slogan de vie? Agissez correctement. Et puis pensez correctement. Et vous finirez toujours bien. Un petit slogan de vie. Hein? Agissez correctement. C'est votre devoir envers Dieu. Pensez correctement. C'est votre devoir envers vous-même. Et si vous réunissez ces deux conditions-là, vous êtes obligé de bien finir. Définir en bien. Définir bien. Pensez juste. Agissez juste. Et vous finirez toujours bien. Un petit slogan de vie. Que nous puissions nous exhorter un peu autour de ça. Je vais lire Frère Branham dans une prédication ici. Écoutez-le. Du 22 mars 1973. Écoutez-les. Il dit ceci, paragraphe 10 et 11. Eh bien, Dieu ne fait rien juste comme nous. Dieu, il ne fait rien juste comme nous. Nous sommes comme qui dirait des gens qui comptent sur le hasard. Et qui plane. Voyez ça? Eh bien, si ceci arrive, voilà ce que l'homme dit. Si ceci arrive, c'est très bien. Et si cela arrive, c'est très bien aussi. Mais tout ce que Dieu fait a une signification bien définie. Tout ce que Dieu fait, quoi qu'il fasse, a une signification bien définie. Et je crois que si nous, en tant que ses serviteurs, nous lui obéissions, je crois que la Bible a dit que les pas du juste sont conduits par l'Éternel. Si nous pouvons obéir à Dieu, mais si nous n'obéissons pas à Dieu, nous serons aussi conduits. Hein? Nos pas seront conduits. Et c'est l'une des choses que la Bible, l'Évangile, nous dévoile ici dans le Nouveau Testament. Ici dans Galates au chapitre 4, l'Écriture dit ceci au verset 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Verset 9. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ce faible et pauvre principe élémentaire auquel vous voulez vous en servir encore? Nde sasa epi boyebi nzambe na koleka boyebani na nzambe boyenzela nini bokobongwa na lisusu epai na biloko yango na pete pete mpe na pamba oyo bozalaki bawambu na yango liboso. Donc il y a une grande différence entre l'époque de vie kati, où nous étions sans Dieu. Nous ne connaissions pas Dieu. Et dès le moment où nous le connaissons, et la suite des temps, il doit y avoir une grande différence. Autrefois, nous servions des dieux qui n'étaient pas par nature. En fait, c'était des idoles qu'on adorait. N'importe quoi qu'on vénérait. Mais depuis un temps, par la grâce de Dieu, Dieu s'est fait connaître à nous. Nous connaissons son évangile. Nous connaissons son message. Mais regardez la tentation de l'ennemi qui ne veut pas nous lâcher. Satan qui nous poursuit toujours comme un démon. Il ne veut pas nous laisser tranquille. Il veut nous tirer de nouveau dans les comportements du vieillot, dans les agissements du vieillot, dans les mentalités du vieillot, dans les réactions du vieillot, dans le langage du vieillot. Il ne garde et ne vous laissez plus entraîner. Celui qui vous a sauvé a versé son sang. Il attend de vous les meilleurs fruits spirituels. Dans 1 Corinthiens au chapitre 12, au verset 2, la Bible ajoute ceci. Vous savez que lorsque vous étiez païen, à l'époque vous étiez païen, païen, les incrédules, incroyants, lorsque vous étiez païen, vous le savez, vous vous laissiez entraîner vers les idoles, muettes, selon que vous étiez conduits. Conduit aussi. On avait une conduite, hein. C'est des conduites qu'on avait. Mais des conduites qui amenaient où? Vers les idoles muettes qui ne parlent pas. Auxquelles on donnait un pouvoir imaginaire. Qui ne peuvent ni intervenir, ni nous secourir. Qui ne peuvent ni nous répondre, ni interagir. Mais on nous faisait croire qu'il y a une suite là-bas. Et nous pouvons espérer là-bas. La vie des païens. Ils étaient aussi conduits. Et leur pas était conduit. Mais comme on l'a lu dans la tradition d'Observal, Jérémie 10, verset 23, elle n'est pas dans les pouvoirs de l'homme. Loin de là, mes amis. Le pouvoir humain ne peut nous conduire comme ça. Le pouvoir de l'homme livré à lui-même, il veut vous montrer de quel bois il s'échauffe. Il est capable de ne faire que du mal. Faire le bien, trop de mal. Pour parvenir à faire le bien et se maintenir dans le bien, il faut le pouvoir divin. Il entre dans l'homme, qu'il influence l'homme et qu'il dirige l'homme. Voilà pourquoi il est écrit là. Éternel, je connais que la voix de l'homme ne dépend pas de lui. Et qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme qui marche. C'est bien dirigé, c'est pas. Et pourtant, comme il est écrit là, nous sommes créés sur la base du libre arbitre. Nous pouvons choisir entre le bien et le mal. N'est-ce pas vrai? Chaque être humain peut faire les choix. Choisir le bien, choisir le mal. Vous choisissez de croire le message. C'est vous, non? Est-ce que quelqu'un peut dire, non, moi je n'ai pas la faculté de faire les choix. Il faut que Dieu seul fasse les choix. Dieu a créé tout être humain sur la base du libre arbitre intérieur. Mais pourquoi après avoir décidé de faire le bien, après avoir choisi la voie du bien, vous êtes bien souvent incapable de faire le bien? C'est parce que la voie de l'homme, non pas les choix de l'homme, mais la voie de l'homme n'est pas à son pouvoir. Elle ne dépend pas de nous. Il faut une intervention supplémentaire de Dieu pour rendre l'homme qui a choisi le bien, pour le rendre capable de pratiquer le bien. Amen. Votre décision seule ne suffira pas. Mokano na yomo amen. Ikokokate. Je vous dis la vérité. Alors, soyons sincères pour le reconnaître. Nous allons pour la yango. Amen. Oh, moi, si j'ai décidé, j'ai décidé. Tu peux aussi décider, pensant bien décider, mais tu as mal décidé. Le pouvoir de faire le bien, c'est de Dieu que ça vient. Ils amen. Reconnaissons cette grâce et tournons nos regards vers lui, orientons nos prières, nos supplications à lui, qu'il intervient chaque jour pour nous à tout instant et ce sera possible. Vous allez voir, gloire à Dieu chaque jour et qu'il se court comme il se doit. Alors je reviens à la citation. Bien. Dieu ne fait rien juste comme nous. Nous sommes juste comme, qui dirait, des gens qui comptent sur les hasards et qui flânent. Et bien, si ceci arrive, c'est très bien. Et si cela arrive, c'est très bien. Mais tout ce que Dieu fait a une signification bien définie. Et je crois que si nous, en tant que ses serviteurs, nous lui obéissions, je crois que la Bible a dit que les pas du juste sont conduits par l'Éternel. Quand Dieu conduit les pas de celui qui est juste, fera le bien. Tu as choisi de croire, Dieu te justifie par la foi. Tu as le vouloir de faire le bien, mais non pas le pouvoir. Le pouvoir de faire le bien doit te venir de Dieu. Et c'est Dieu qui nous sanctifie. Il nous rend saints à ses soins. Il nous rend saints par sa vérité. Il nous rendra agréable devant lui. N'est-il pas écrit que le Dieu de paix passe en vous ce qui lui est agréable? N'est-ce pas écrit? Oh, mais Hébreux chapitre 13, non? C'est cet évangile qui demeure éternellement. Il est dit. Hébreux 13, verset 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable. Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Ye mobate limonene na bampate, ona makila na kondima na seko, abongi sabino na misala yonso malamu ete bosala mokano na ye. Awa ejaliye kosala kati na bino yango ekosepelisa yepo na Yesu Kristo, na ye kembo libela na libela. Amen. S'il y avait moyen d'écrire ce verset plus clairement, je l'aurais fait. Mais malheureusement pour moi, le verset est déjà trop clair. Il n'y a pas moyen de le réécrire. Ça veut dire exactement ce qui est écrit là. Le vœu est sacré, il est aussi mis. Que ce Dieu-là nous rende capable de tout le bonheur. Non pas moi, non pas un apôtre, non pas un groupe de frères ou de sœurs de Christ, lui-même vous rende capable d'accomplir ce qui est bon. Et que lui-même Dieu fasse en vous ce qui lui est agréable. Si tu comprends vraiment ça, tu ne condamneras plus ton frère. Oh, il a fait. Hey, c'est grave. Si tu comprends. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a diminuerons de ton langage. Tu comprendras qu'au-delà de la liberté du choix, dont dispose chaque humain, il faut un plus débat. Car la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Et il doit bien diriger ses pas. Il faut que Dieu les rende capables. Il faut que ce pouvoir-là lui soit donné. Amen, amen. Je continue avec Frère Branham dans la déclaration Sirèche. Paragraphe 11. Et nous devrions tout simplement, pas vadrouiller de lieu en lieu. Et puis, ça met les bisons. Hein? Parce que la voix n'est pas notre pouvoir, hein. Oui, c'est nous mettons à Dieu et laissons-les libres. Laissons-les nous diriger. Chaque pas. Les pas des justes sont conduits par l'Éternel. Et chaque pas de toi soit dirigé par lui. Nous devrions toujours nous mettre à penser au Seigneur avant d'y aller. Est-ce que vous le faites lorsque vous quittez la maison? La question vous est posée. Priez en disant. Quelle profonde prière qu'on nous apprend. Écoutez les paroles et le langage. Priez disant, quand vous quittez la maison. Seigneur, aide-moi à effectuer un déplacement sans danger. À l'endroit où je vais. Et d'où je reviendrai. Donc, vous allez au Kende. Sungangai tatan kolo. Natambola kozanga likama. Depuis na okende, pe depuis na kouta pa na kozonga. C'est clair? Elle pour les dirige mes pas. Aujourd'hui, afin que je ne sorte pas de ton sentier béni. Oui, tenga na bimate na nzela na oyo epambwami. Mais s'il m'arrive de faire ce qu'il ne faut pas, avertis-moi et ramène-moi sur la bonne voie. Lui Dieu qui a pouvoir, demande-lui de te ramener sur la bonne voie. Ne prétends pas être Dieu sur la bonne voie. Il mérite toi, Dieu humain. Si l'homme ne se voit en erreur, quand il va poser, tu ne sauras pas. Il te faut le pouvoir et la grâce divine. Et s'il arrive que ma langue commence à dire des choses qui ne sont pas justes, voilà. Je te prie d'arrêter ma langue. Attends quoi, ça le moyen. Mais ce que yelinga ite ebanda kolobaka kolobaka makambo esangatina. Oye, c'est nami na mon dimikolobate. Bambe tata, kolo. Kata lule mon angayi. Amen. Kanga yango frère. Amen. Elobate. Amen. Quelle prière. Oli bonde lini. C'est merveilleux, non? Amen. Un slogan de vie. Oye, oli loba waya bon moye. Slogan de vie, mes amis. On va y arriver. Tokokoma. Et s'il arrive, que malan. Commence à dire des choses qui ne sont pas justes. Je te prie d'arrêter ma langue. Ramène-moi de nouveau au bon endroit. Et si je me mets à avoir de mauvaises pensées, je te prie de changer ma façon de penser. Et de me permettre de penser des choses justes. Quelle prière. Et la question qui a commencé par poser, est-ce que vous le faites avant de quitter la maison? Non, soyons francs. Est-ce que vous le faites avant de quitter la maison? Est-ce que vous le faites avant de quitter la maison? Voilà. Soyons francs. Mais ça nous apprend un petit slogan de vie. Voilà, et nous pouvons retenir et commencer à pratiquer lorsque Dieu donne à chacun ses pouvoirs. De retenir les frères. Pour ne pas laisser ton esprit exposé à n'importe quel démon. Aïe, aïe, aïe, ça a fait idée, après si caca. Au bandit au sala, non frère. Contrôlez tout. Soumettons-nous au pouvoir divin. La Bible dit soumettez-vous à Dieu et résistez au diable avec le pouvoir. Oui, le diable fuira loin de vous. Commencez par vous soumettre à Dieu. Toi, tu ne te soumets pas à Dieu et tu viens avec les doigts pleins de pili-pili. Oh non, démon, dis-moi, la terre m'a dit. Oh non, frère. Commence par te soumettre à Dieu d'abord. Soumets-toi d'abord au pouvoir de Dieu. Et une fois que tu es sûr que tu es soumis à Dieu, ce pouvoir est sur toi. Tantôt tes voix. Maintenant, résiste au diable. Amen. Là où tu failliras, l'Esprit de Dieu prendra et la main. Là où tu seras incapable, Dieu sera capable. Là où tes limites s'affirmeront, les limites de Dieu prolongeront ses capacités. J'aime Jésus de tout mon cœur. J'aime sa manière de faire. Il nous aime, il nous montre la bonne foi. C'est vrai. Solo. Maintenant le commentaire après cette prière. Ce que vous pensez, c'est généralement ce que vous faites. Maye ou kanisaka, yangonde pe ou kosal. Yangonde fo kozwa makanisima bete. Ko permettre te makanisima be, et kola, et se développer le katayo. Kangela mozela. On pense à grand malam. 1 Timothée 2 verset 8. Timothée, Dieu veut que les hommes prient en tout lieu. En élevant des mains pures à Dieu. Sans colère ni mauvaise pensée. Quand nous prions, débarrassons-nous de mauvaises pensées. Chassons les mauvaises pensées. Rejetons les mauvaises pensées. Refusons les mauvaises pensées. Les mauvais sentiments. Quand vous priez. Vous voyez, vous savez, oui, si vous faites ce qui est juste, si vous savez, vous c'est votre devoir envers Dieu. Et si vous pensez à ce qui est juste, c'est votre devoir envers vous-même. Attaillons-moi vraiment. Tout le banano, Nzambe, tout le monde, tout le église, tout le monde. À quoi ça te sert d'avoir des mauvaises pensées? Nini, pense à toi-même. Rentrons dans nous-mêmes. À quoi nous servent les mauvaises pensées? Ça nous aiderait en quoi précisément? Dites-nous. Les bonnes pensées, pour ne penser que ce qui est correct, c'est votre devoir envers vous-même. Olongoli na nzambe, olongoli église. Yo moko na nukaka, po moto na yo, na amzamba, apesa yo, et sala. À quoi te servent les mauvaises pensées? Des fois tu les alimentes, des fois tu les entretiens, en regardant à ce qui est faux, à des vidéos de sueur, à des textes souillés, à des choses impures, et tu entretiens les mauvaises pensées, on à quoi ça te sert en réalité? Nous pouvons barrer cette route. Que les mauvaises pensées n'aient pas accès. C'est ton devoir envers toi-même. Je vous donne un exemple. Je suis votre serviteur. Avant me servir, j'ai commencé à penser. Le monde qui est en assemblée, il faut se la rendre. Je ne sais pas à quoi ça va me servir moi-même. Avant que tu ne regardes ce frère Wana, ton sans réaction, Ngaï Moko, ce qui n'a fongolé ma carité Ngaï, n'a pas idée modèle Wana. Du frère est tel, vous savez comment dire. Oh, mon pasteur avec une inspiration. Non, frère, n'a pas idée comment dire. Maintenant, à quoi ça va me servir en réalité? Vous n'avez pas idée en côté. Mais yo, Fandika Kawa, Kingani, il faut s'en rendre. Ou le monde qui pose sur l'église, est-ce que mon imago fait un bruit? ça va m'aider à quoi? Et ça va m'amener où en réalité? Ce sont des pensées totalement inutiles. S'il est sorcier, qu'il soit sorcier pour lui-même. Et ça, il m'a dit. Mon devoir envers moi-même. Ma vie doit avancer. J'ai besoin des choses qui me concernent. Pourquoi aller me mettre des salités dans la tête? Ça va m'aider en quoi? Ça va me faire gagner quoi du tout? C'est une perte de temps. Pensez toujours correct. C'est votre devoir envers vous-même. Avant, au tala mozarina, yo, on zambe ou église, mikanisena nou yomoko. À quoi ça te sert toutes ces choses-là? Au panel kamoutono, na volubi sete. Fugima, tape si kamote. Bon, ce genre de sentiments. Ça t'apporte quoi dans la vie? Ou comme que toi, c'est yé? Vous allez vous dire que vous n'avez pas ma pensa. Vous allez vous dire que ça t'aide en quoi? Tu ne fais que te détruire toi-même. Vous allez comme bébé ça y est. Parce que ce que tu penses des autres, il arrivera que Dieu aussi pense pareil pour toi. Et pourquoi m'a été bango pour banza bongo pour nayo? Bon, quand il s'agit de tuba bandogi, bongo, nani a ébissé que bango peut passer la liberté organisateur que Dieu pose dans nous. Tu penses être supérieur et malin avec ça? Vous allez aller le colloquer, mais il m'a bien écouté. Oh, mais ils ont mal avec ça. Mais ils ont mal avec ça. Bongo, c'est que Dieu m'a coupé. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit. Ne te brouille pas toi-même, hein, avant d'aller te brouiller avec les gens. Donc tu es d'abord embrouillé, et demain tu vas t'embrouiller avec quelqu'un. Mais l'embrouillement commence au dedans de toi-même. Parle de mauvaises pensées, des sentiments faux. Ton devoir envers toi-même, n'est que des pensées justes. Ne pense qu'au bien. Et quand il faut agir, fais seulement ce qui est bien. Et alors tu es obligé de bien finir. Tu as bien. Parole de l'homme est au bon mot. Mais ce qu'on va dire, on va gagner ma bête, ma sentiment ma bête, bizarrement ma bête, on va se faire ma bête. Si vous faites ce qui est juste, c'est votre devoir envers Dieu. Et si vous pensez à ce qui est juste, c'est votre devoir envers vous-même. Et vous devez finir correctement. Vous devez finir correctement. Dites-moi, tous ceux-là qui passent leur temps à parler des autres, quels sont-ils devenus? Vous avez l'exemple ici dans ce pays. Les parlementaires debout, disons, des palos. Tous ceux qui papa la prête à agresser les gens. Quand vous n'êtes pas en accord avec eux, vous passez par les chemins, ils peuvent vous tenir le corps physiquement. Et en découdre avec vous. Lorsque papa Guizène a pris le pouvoir, vous connaissez l'histoire. Maintenant encore. Les parlementaires debout de l'UDPS. Ils passaient leur temps sous les arbres. À parler de Kabila. Et de comment une abeille a tourné au-dessus de sa maison. Et Kabila avait peur. Il est allé se cacher dans la douche. Donc il raconte des choses comme ça. Dix matins au soir. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Miséricorde. Mawa. Ne limitez pas votre vie, ne ruinez pas votre vie. Vous perdez votre temps à ne parler que des autres. Parlez d'un tel. Perdez le temps. Amen. Nous devons parler du Seigneur. Parler de l'évangile. L'un des seuls fils de Dieu. Parlez de lui. Parlez de lui. Viens témoigner en tout lieu. Parle de lui. Oh, maintenant. Ne les âmes à la croix, mais les sangs feraient pendus, qu'elles écoutent et fassent leur choix, pour Jésus. Bon, Jésus. Voilà ce qui est bénéfique. Amenez une âme à Christ, tu gagnes pour le royaume de Dieu. Que de ne faire que parler des gens, parler des ailes, parler des ailes. Perdre les temps. Gaspillage d'énergie. Faites ce qui est correct. Si vous pensez à ce qui est juste, c'est votre devoir envers vous-même. Et vous devez finir correctement. Vous ne pouvez pas aller à l'est. Vous êtes pendant que vous allez à l'ouest, vous allez vous allez vous ne pouvez pas agir bien. Vous pendant que vous faites mal, vous allez vous pensez juste. Vous pensez agissez juste. Vous et vous serez dans les bons. Et puis vous allez vous revenir. Pensez juste. Vous pensez agissez juste. Vous allez vous et vous serez dans les bons. Et vous allez un petit slogan de vie. Voilà le bon mot pensez juste. Vous pensez agissez juste. Vous allez et vous serez dans les bons. Et vous allez moi êtes-vous là? Vous allez voir là? Et le Seigneur dans 1 Pierre 3 que nous avons lu ici. Olo na mokanda libosa petelo. Il a dit verset 10 à 13. Si quelqu'un a le fait veut aimer la vie et voir des jours heureux. Pour être heureux à jali na posa ya kosepela na bomoi. Pe komona mikolo malamu mikolo ya bolamu katta bomoi. Alikomona mikolo malamu katna mabele na bato. Tu vas avoir des jours heureux devant toi, dans ton avenir. Tona mikolo mikoya. Qu'il préserve sa langue du mal. Amen. Et ses lèvres des paroles trompeuses. Amen. Tu ka ite apekisa lolemo na ye na makambo mabe mpe bibebo na ye na malobana. Qu'il s'éloigne du mal. Amen. Et fasse le bien. Apengo alongana mabe asala malamu. Qu'il recherche la paix et la poursuit. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera après tout si vous êtes zélé pour le bien? Nani ako sali la bino mabe soko bojali na posa makasi na malamu. Même le mal qu'on vous veut sera sans effet. Vous n'avez pas du temps à perdre, dire seulement maudit, je veux voir les jours à venir, si ta malédiction aura des effets ou non. Ça ne se concerne pas. Occupe-toi des choses qui te concernent. Serve à ta paix, à ton bonheur éternel. Concentre-toi à ce qui est utile. Aille des pensées justes. Dans la mécanique sembo. Et pas de mauvaises pensées. Dans les sermons, la porte dans la porte. Du 11 juillet 1960. Sambo, paragraphe 3 à 5. Trois bonhommes bien corsés ici. Nous terminons par ça. Aussi ai-je toujours un petit slogan que je donne toujours aux gens. À savoir. Êtes-vous là? Vous allez voir. Faites trois choses dans la vie. La première chose. Faites ce qui est juste. Première chose. Vos actes. Vos agissements, vos œuvres, faites ce qui est juste. C'est votre devoir envers Dieu. Dieu qui vous a créé, attends à lui. Non pas vos mauvaises œuvres, mais vos bonnes œuvres. Non pas les mauvaises actions, mais les bonnes actions. Faites ce qui est juste. C'est votre devoir envers Dieu. Pensez juste. C'est votre devoir envers vous-même. Et vous êtes tenu de bien finir. Vous êtes tenu de bien finir. C'est l'exacte vérité. Faites ce qui est juste. Et puis pensez juste. Et aussi longtemps que vous agissez correctement, vous ne pouvez pas être dans l'erreur. Tu veux un exemple ici? Quand mon fils Billy avait environ 14 ans, avant que je l'envoie à l'école biblique, il était dans une école officielle. Il était dans une école officielle. Il ne fréquentait pas un bon milieu. Tous les enfants, les filles, les garçons, finaient et se conduisaient mal. Et un jour, je suis rentré à la maison et je me suis assis. Et Billy habitait chez sa grand-mère. Et pendant que la présence du Seigneur était là, une vision est venu. Et mon nom, je vis mon fils avec une cigarette en main. Na likaya na monoko. Cela a failli me tuer. Yango, inga kubumangai kutu. Cela a failli me tuer. Et inga ki kubumangai. Ainsi, abongo, quelques instants après, tango moko, sa bicyclette s'est arrêtée devant. Ye aye, na kinga na ye. Et il est entré, a dit, bonjour papa. Salobi, mbote, papa. Et il a couru et il m'a entouré de ses bras. Les enfants vous sautent sur le corps. Pourtant, il était déjà vu. Dieu l'avait déjà dévoilé. Lui-même ne savait pas. 14 ans. Et alors, je l'ai pris dans mes bras. Et dans mes mains. Et j'ai demandé. Billy, quand as-tu commencé ceci? Il a demandé quoi papa? J'ai répondu à fumer. Et il a dit, je ne fume pas. Il ne savait pas qu'il était déjà dévoilé. Il ment. Regardez le discernement prophétique ici. La grâce va suivre. J'ai dit, ne me dis pas ça. Qui filme Billy. Il s'est mis à pleurer. Mais si c'était l'apostolique, le garçon allait en avoir pour son compte. Dieu allait frapper. Dieu allait frapper. Mais regardez, Dieu des grâces et de misère. Comme il utilise ses dons prophétiques. Non frère, Dieu est bon. Amen. L'enfant s'est mis à pleurer. Moi, là, vu que papa est sérieux dans ce qu'il dit. Son cœur a été touché finalement. Bien que la bouche disait des mensonges. Soyez patient devant Dieu. Ne vous emballez pas quand Dieu vous montre quelque chose. Gérez ça avec beaucoup de tact. Vous allez faire des dégâts. À Kangibouche, à Bandi Kolé Lanaye, comme un enfant. Imaginez. Comme ça peut faire mal que votre propre enfant ne suive pas votre voix. Et qu'il ait copié des habitudes des païens de ces crédits. Tout ça pour jeter les déshonneurs sur votre éducation. Sur votre manière de connaître les enfants. Je pleurais comme un enfant. Alléluia qui m'a cassé le la moine à moquer. Et je me suis dit, sa mère est dans la gloire. Et la dernière chose qu'elle m'a dit, c'est prendre soin de Billy. Avant de rendre le souffle. Avait dit, la dernière chose, dernière parole, prends soin de Billy. Et voici que je me suis efforcé de lui montrer l'exemple. Mais de le voir faire une telle chose. Cela me tue presque. Et je l'ai donc amené en promenade. Voilà. Hein? Au lieu de prendre un gros fouet. Taper jusqu'à blesser les dos. Il a amené en promenade. J'ai dit, fils, tu quittes là-bas maintenant même. Je vais t'envoyer à l'école biblique. Peu importe combien tu te sentiras seul. J'ai donc ajouté. Je veux que tu entendes, tu étendes les bras comme ceci. Et il l'a fait. Et il a demandé. Qu'est-ce qu'il y a? 14 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai dit, ça c'est la gauche. Et ça c'est la droite. Eh bien, tu ne peux pas aller dans les deux sens à la fois. Tu as pris la forme d'une croix. Et j'ai dit, aussi longtemps que tu agis correctement, il ne sait pas que tu penses que tu agis mal. Mais aussi longtemps que tu agis correctement, tu es tenu de bien finir. Tu ne peux pas aller à l'est et à l'ouest à la fois. Tu ne peux pas faire ce qui est juste et ce qui est mal à la fois. Parfois les gens agissent mal. Pensant bien agir. Mais ça finira mal. Votre voix n'est pas votre pouvoir. Vous mettez-vous toujours à Dieu. Des fois, les gens agissent mal, mais ils sont sur la défensive. Pour se donner raison. Donc il est prêt à se défendre. Pensant qu'il fait bien. Et pourtant il agit mal. Miséricorde. Et ça va mal finir. À cette allure-là, ça va mal finir. C'est pourquoi pensez toujours juste. Faites ce qui est juste. Et vous finirez bien. Faites ce qui est juste et vous finirez bien. Vous devez le faire. Faites ce qui est juste. C'est votre devoir envers Dieu. Pensez juste. Soyez sûr que vous devez bien finir. Et vous finirez bien. Êtes-vous là? Vous allez là? Comme ça qu'il assiste encore un exemple. Bon, attends, et chaque fois que je vois un couple qui s'avance, ils sont là avec leurs yeux brillants. Ils viennent pour faire le vœu là-bas. Dans l'église de Dieu, j'ai toujours pensé à Christ et à son épouse. Mais il y a une chose que je leur répète. Au couple, hein, les candidats qui viennent pour se marier. Sachez ceci, il n'y a pas de couple heureux sans Christ. Vous devez avoir Christ dans les couples. Car il n'existe pas de couple heureux sans Christ. Si vous pensez voir un couple heureux qui n'a pas Christ, vous avez les apparences. Quelles sont les apparences trompeuses? Il n'existe aucun couple heureux sans Christ. Ayez Christ dans la maison. Vous allez la Christ au quartier Mandako. Ça va comme dans la maison de Marthe là-bas. Vous allez Mandako na mala tapuna. Vous l'avez sa sœur Marie. Azalaki na ndiko na mwasi Maria. Quand Christ s'en est allé. Tant au Christ akendaki. C'est alors que les années sont venues. Yango ana mitungi kiaki. La maladie. Bokono. Des douleurs. Mitungi si. La mort même. Basikutu. Des pleurs. Olé là. Des gémissements. Lazare est mort. Lazare asili kokufa. Mais quand Christ est revenu. Tant au Christ azongaki. La résurrection est venue. La vie est retournée. La joie était rétablie. Il n'y a pas de couple heureux sans Christ. Ayez-les dans votre maison. Invoquez-les près de vous. Oh mon Dieu, plus près de toi. Que Dieu vous bénisse. Lève-le pour la prière. Mon Dieu, plus près de toi. Près de toi, j'ai soif de sa présence là. Ce Dieu merveilleux, mon Dieu plus près de toi. Mon Dieu plus près de toi. Thank you. toi, c'est le mot, c'est le mot, et ma foi être plus près de toi. Dans les jours où l'épreuve déborde comme un fleuve, gardez-moi près de toi, plus près de toi. Alors que la réponse, mon Dieu, Maintenant, prions un peu comme frère pendant que nous prions. Que Dieu dirige chacun de nos pas. Car les pas de l'homme ne sont pas sans pouvoir. Pour bien diriger ses pas, il faut le pouvoir divin. L'assistance directe de Dieu. Chaque jour et partout. Il conduise tes pas. Dirige tes pas. Faire le bien pour le zèle du bien. Donne la capacité de faire le bien. Pour sa gloire. Prions chacun maintenant. Je soif de ta présence divin. J'étais ma foi dans ma faiblesse immense qu'est fait. Ferai-je sans toi chaque jour à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi, viens, Jésus, aide-moi auprès de moi chaque jour à chaque heure. Oh, besoin de toi, bien, Jésus, demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi, bien, Jésus, demeure auprès de toi. Oh, et chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi, bien, Jésus, demeure auprès de moi. Dieu bienveillant, notre Père Céleste, toi le grand maître, le grand enseignant du bien, donateur de la vie, la vie éternelle, source de salut, de grâce et de miséricorde, toi la providence divine, dans laquelle il y a tout. Dieu infaillible dans ses actions interventions. Dieu infaillible dans ses paroles et ses promesses. Sois honoré et adoré. Toi qui mérites le meilleur de notre vie. Toi qui as tout créé pour ta gloire et pour ton salut. Pardonne nos péchés. Nos failles en sentiments. Nos failles en pensées. Nos failles en action, Seigneur. Lave-nous dans le sang de Jésus. Lave-nous par la foi, Amen. Amen. Veuillez vous asseoir.